baissé dans le bizarre comme des esquimaux. Hameçon, canapé, chico, esquimau. Ils pourront pas nous la faire comme aux esquimaux. Classique, mais à quel niveau? 2002, ouais, les esquimaux. Yous plus, c'est dans le bizarre comme des esquimaux. Hameçon, canapé, chico, esquimaux. Ouais. Ils pourront pas nous la faire comme aux esquimaux. Classique, mais à quel niveau? 2002, ouais, les esquimaux. Te parlons comme un 6R, droit comme un 6R. 3 points switch, on se place comme les 6R. 3 points snitch, t'es pété, fais un feat seul. Vois 3, j'pique coup de 3, coup de quoi, guan. Pas le même mode de fuck que t'es plus croix de bois, mais j'suis des mode de fuck que t'es plus croix de bois. Laisse venir si qu'ils se font les éclats de part. Admarre, éclat de phase, on connaît pas de part. Takeshi Kitano quand j'souris. Leurs efforts se soldent par de grands soupirs. Ignorant hauteur de la falaise, quand petit j'prenais mon élan, souris dans suite. C'est la Yves, on essaye, on guérit ton yes I. Nagat, j'ai fait taille, gros, quelle farine tu prends, quelle zekaille, j'suis pas du même sekai. De Québec City jusqu'à Jezeir, Tsukina, Kotodak et Oshitetaï. Mélange le lin et la kétamine, priant pour plus nous voir faire la diff. Décision prise sous adrénaline, une tape de kétama, j'vois tout en négatif. Au micro, j'flex sans la créatine, j'te laisse en discuter comme du penalty. Yous plus, c'est dans le bizarre comme des esquimaux. Hameçon, canapé, chico, esquimaux. Ils pourront pas nous la faire comme aux esquimaux. Classique, mais à quel niveau? 2002, ouais, les esquimaux. Scooter des neiges en Y, voilà Linky Pit. On gêne les jaloux, des chiennes et des chiens loups, des cagoules en laine qui piquent. Mais loup rôde dans le froid pour taxer des feuilles longues. Moi je kick en feu comme feuille longue, feuille longue. Tigre de Sibérie, félin, exposé, normal que l'on veuille l'ombre. Salam, mon équipe, n'oublie pas que mon équipe est toujours reconnaissante envers celui qui nous tend la perche. Malin son liquide, on veut la mallette en liquide. L'équipe rappe vite parce qu'on a plus de temps à perdre. Génération de la vache folle, ça crève les yeux comme un flashball. Ton putain de rap est falche, boy. J'parle pas de toi, pourquoi tu te fâches, boy? On répare pas le cœur avec la glu. T'es pas de l'équipe et le fennec t'inclus. T'inquiète, du moment que tu respectes la plume, ça m'aurait pas plus si j'avais pas le flux. On est premier du top, oui, c'est le midweek inouï. Comme un inuit sur la ligne 8. On a mis un son de midi dans la mini. On arrivera à minuit dans le midi, c'est nain. Voilà plusieurs mois. Celui que t'entends, c'est le plus sympa. Ça t'a plus arma. Headshot, camo gris dans la blizzard map. Avance d'aller vers le sud, j'arrive au nord de la map. Fais belle au bâtard qui te mordra la main. Y'en a marre de la merde, on veut faire de la maille. Mais la marmaille, n'oublie pas la mort d'Adama. Non, non. Esquimo. Dans le bizarre comme des esquimaux. Hameçon, canapé, chico, esquimaux. Ils pourront pas nous la faire comme aux esquimaux. Classique, mais à quel niveau? 2002, ouais, les esquimaux, esquimaux. Yo, kid, what the fuck, bro? What happened to you? You just kick like that, bro. Didn't say nothing, bro. You're a cheeky bastard, man. I see how you're moving. I see you're moving with that thing. You're moving mad, bro. I know you know what you're doing. You're a big man out here. I know that. But what I'm saying is don't get trapped by the pussy, bro. Don't get hooked.